Ah bah ouais, faire ça. Du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. On a commencé en bas de l'échelle, à trop chercher, oseille oseille. Carré VIP, équipe des terres, fin de soirée, coup de bouteille. On a rodé grave comme la Guardia, au keuf on a toujours fait des doigts. Et devant la juge poteau tais-toi, au père c'est pas elle et c'est Détroit. Dans tes yeux je vois un paysage, ça tombe bien faut que je m'éloigne des bâtiments. Dans le quartier on dit que t'es pas une fille sage, ton corps me dit oui ta bouche me ment. Waouh, je repense à ma vie et je me dis que la rue nous a fait pédaler. Pas de verre de sky pour oublier les soucis, et si tu connais pas soucis t'es mal barré. On roule en ville, on tue l'ennui. 150 sur le périph, on n'est pas pressé. Eh bombarde ma gueule, bombarde. Ouais, je dois passer qui lui? C'est Rémi mec. Voilà, il fait l'ancien fou, tranquille. Eh frère, on paye ma gueule, frère. On paye tranquille ma gueule. On vient de la rue, et toi t'es qui? Eh toi t'es qui frère? Excuse mon pote, il est un peu bourré là. 2h du mat dans un pat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. Un regard de travers pour bien s'entendre, un grand sourire pour se détester. Les que veulent nous virer de là où on se pose, mais t'as leur dit ça va jamais changer. Jamais. Musique à fond dans le JVC, dans la govaille avec que des têtes de zonards. Ouais. On vient de la rue, on est dans l'excès, je te raconte tout dans mes têtes comme Emile Zola. Je veux que faire des thunes à la mort, mais ses yeux me prennent par les sentiments. Tu peux crier ou parler fort, mais c'est mieux si tu demandes gentiment. Waouh, je pense qu'on a qu'une vie, donc des fois je me dis autant en profiter. Ouais. Une petite location, on roule dans la levée, puis je monte sur Paris pour sortir des cavités. Les mecs, y'a les traders, on roule. Voilà, bon point. Oh, voilà les traders. Belek de ouf. Belek de ouf. Oh, il sort. Attendez, Belek. Tranquille, chef. Il est blessé. Ouais. Tranquille, il est blessé, ma gueule. Tranquille. Tranquille, frère. On roule en ville, on tue l'ennui. Ah ouais, frère, c'est comme ça tous les soirs. Les keufs nous contrôlent toujours dans l'excès. On vient de la rue, et toi t'es qui? Excuse mon pote, il est un peu pressé là. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement ma patte. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yop.